aimer ta ceinture. Bienvenue dans l'album. Ah, c'était RUP, rap pour un site facile de cartoucher. Ah, pas de qualité, freestyle la une sans crime qu'on t'a pas louché. Galère, on connaît bien, c'est avec de la haine quand je pars me coucher. Mais j'ai une caliente, Brenda O pour les streaming, j'ai pas touché. Y'a plus de cannabis que frais près de la canne à pêche. On fume le cannabis, veut faire le tour de canapier. Consommateur égaré, t'inquiète, on débat la fraîche. Pour l'instant y'a la police, donc on détend la paire. Tu veux du sac ton car, c'est de la rime de guerre. Mate la sac des games, tu mets dans le coca. Pour mes 5 dollars, pas du rap de gay. Que du hard connard, le game dans le coma. J'ai produit, y'a pas de sentiment trop. J'te parle de ma vie, mais gros, y'a des gens qui font pire. J'suis débutant, surclassé en pro. Avec les héros éveillés comme des gentils vampires. Allez hop, j'arrive en jerrycan. Tu ricanes, j'mets le feu, j'vise mon hurricane. Vitesse grand V, lancé de shuriken. Tu régales, t'inquiète les mecs dans l'ombrage, j'hurigane. C'est mérité, mérité, play. Hein? C'est mérité, mérité, play. Les problèmes viennent chez toi même quand t'as rien commandé mon rôle. Je fais pas trop mon frère, je me dois de garder mon rôle. Le succès traite merde, j'ai rien demandé mon gros. Donc alcool je t'aide gros, faudrait surveiller mon corps. Ah y'a les wouah wouah wouah. Mais check les gars wouah wouah wouah. Avec mon wouah wouah wouah. Rap game bien sûr je wouah wouah wouah. Aïe, si tu t'as pris pour le canapé ou. Faut s'annoncer sur le bon coin. Appelle on te bien la théo. En scout j'ai mon terre. Problème dans le moteur. La police à mon terre. Qui veulent niquer mon terre. J'ai fait tomber mon tel. Soleil, niquer la selle. Pourtant je connais le bracelet.